Noblesse arabe par Elissa Reiss. La chaude journée de septembre touchait à sa fin. Le soleil achevait de disparaître derrière le petit bois de cyprès qui couronne le coteau de Sidi Boumedine. L'air fraîchissait. Les derniers bruits des vieux moulins d'alentour venaient de cesser. Les sources libérées cascadaient joyeusement dans les rocs, au milieu des menthes et des dis, de toute une végétation maigre, défaillante, qui peu à peu redressait la tige sous la caresse de l'eau. À la lisière des cyprès, autour de la fontaine de pierre que la légende a surnommée le puits des sept vierges, un groupe de mauresques était réuni. Une gargoulette bleue s'emplissait lentement sous l'embouchure formée d'un tube de roseau vert. Assis sur leurs cruches renversées, ou simplement accoudés au dôme blanchi de la rustique fontaine, les belles tlemcéniennes se délassaient des ardeurs du jour, se disaient les nouvelles de la guerre, les menus potins de la tribu. Leurs blanches gandouras de deuil faisaient contraste avec les sarmates chatoyantes posées de côté sur leurs cheveux, en forme de petits pains de sucre que recouvraient des foulards aux couleurs vives frangées d'or. Et l'ensemble de ces coiffes roses, vertes, jaunes, bleues, brillaient d'un éclat plus intense aux derniers rayons du couchant. Elles étaient toutes jeunes, leurs visages discrètement fardés, leurs pieds et leurs mains rougis de frais, les massifs bracelets d'argent piqués de clous d'or, les quelcales cliquetant autour de leurs chevilles, les faisaient ressembler à une phalange de houris venue s'offrir en holocauste à quelques marabouts couchés là sous les cyprès, dans cette fin du jour. Est-ce que Sidoma rentrera bientôt avec sa permission? Bientôt, si Dieu a écrit qu'il ne revienne cette fois encore, la vie sauve. Amen, amen. Que Dieu n'exclue aucun musulman de cette joie du retour. Et toi, tu retournes avec moi au bain cette semaine, puisque ton Sidi est rentré? Non, ma fille, je n'y retournerai qu'après le ramadan. Trop de chaleur et de jeûne m'indisposent. Et Lalla Yamina, comment va-t-elle de son deuil cuisant? Dieu lui a-t-il versé un peu d'huile sur sa plaie? Elle va comme le veut sa chance. Une jeune femme, penses-tu? Elle peut dire qu'elle a perdu sa première bénédiction. Le soleil a disparu. Brusquement, c'est l'ombre. Une ombre toute violette, dans laquelle s'estompe le paysage de collines et de sapins, les gandouras blanches et les sarmates aux mille couleurs. D'en bas, au milieu de la vallée, une voix forte retentit. Le muezzin appelle à la prière suprême. C'est l'heure de l'Asha. Aussitôt, toutes ces femmes se redressent. Elles se sont oubliées à leur caquetage. Les hommes vont rentrer au logis. Chacune saisit sa cruche emplie à moitié, la passe à l'épaule, et comme un essaim de gazelle effarouchée, les voilà qui se dispersent, qui s'enfuient avec de petits cris d'adieu par sentiers dévalant vers leur demeure mystérieuse. Une seule restait immobile. Elle regardait les autres disparaître, sa cruche vide à la main. Elle avait laissé passer son tour sans aucune hâte. C'était Aïcha, la fille du condamné, une jeune bédouine d'environ 15 ans. Belle mais d'un charme plus âpre, un visage osseux, aux traits forts, tout brûlé du hâle des campagnes. Une taille nerveuse, bien prise sous la longue gandoura des pauvres, point de sarma, d'abondants cheveux noirs que le vent soulevait à sa guise, était retenue par un simple bandeau de tulle autour du front, un front dur et volontaire. Sa mise négligée, la nudité de sa tête, indiquaient aisément qu'elle appartenait au rang des mesquinates. Tandis que les belles tlemcéniennes causaient, rivalisaient de grâces frivoles, elles s'étaient tenues à l'écart. Personne n'avait pris garde à elle. Dans les yeux noirs de la bédouine avaient passé des ondes de tristesse, que corrigeaient aussitôt des éclairs de haine impuissante. Aïcha souffrait depuis longtemps du mépris de tous. Sa douleur se creusait surtout lorsque ces femmes arrivaient à la fontaine, se dandinant, jouant avec un bijou de cruche ciselée. Dès qu'elles apercevaient la fille du condamné, elles faisaient tout un grand tour pour rejoindre leur compagne et venaient passer à sa droite. La malheureuse enfant distinguait très bien le geste. Geste de suprême dédain, destiné à lui rappeler le sort qui lui était réservé dans la société musulmane. Aussi sentit-elle un poids lui glisser de dessus le cœur lorsqu'elle les vit s'éloigner les unes après les autres et s'éparpiller parmi les arbres du ravin. Un soupir dégagea ses flancs qui suffoquaient. « Mon père, prononça-t-elle, que Dieu te pardonne dans ta tombe ton geste d'un instant de colère, et le malheur où tu nous as engloutis, moi et ma mère. » De nouveaux petits cris montaient du ravin. Quelques femmes, attardées à caqueter au bas de la route, se disaient un dernier adieu, puis s'engageaient à toute allure sous les frondaisons. Le bruit de leur course diminua rapidement sur la poussière des sentiers. Aïcha, elle, n'était pas pressée. Elle n'avait aucun homme à attendre ce soir après la prière de l'Acha. Pas encore d'époux, à 15 ans, plus de père. La vue du mal qui rentre au logis ne raffermirait plus son cœur brûlé. Elle n'était pas pressée. Le petit gourbi n'avait rien d'attirant, avec ses murs de toubes délabrés au milieu des aloès, ses nattes sales, ses outres poussiéreuses au plafond, ses yatagans rouillés le long des parois, avec la vieille mère, si accablée sous le poids des douleurs qu'elle en oubliait les heures du jour. Elle ne savait que contempler sa fille d'un œil hagard. Ses paupières baveuses se mettaient à trembler et elle soupirait. Qui t'a souhaité ce retard à la maison de ta mère? Qui? Dans le soir qui tombait, un poignant chagrin s'empara de la jeune esselée. Elle avait posé un bras contre le dôme de la fontaine, incliné le front, et fixant sa cruche qui commençait à s'emplir, elle se laissait aller à ses regrets. Soudain, le sol du petit bois de cyprès craqua sous des pas. Aïcha releva la tête. Une pudeur instinctive la fit reculer légèrement. Dans l'obscurité des feuillages, elle aperçut un bel arabe, sous un costume flamboyant de broderie claire. Il remontait la colline dans la direction de la fontaine. Sans se montrer de dessous son voile, elle observa cette silhouette élancée, à la fois mâle et jeune, qui apparaissait et disparaissait parmi les arbres. L'inconnu portait d'une main un paquet de vieux livres. De l'autre, il jouait avec quelque chose comme une plume de roseau. À mesure qu'il avançait, toute sa physionomie s'éclairait d'une émotion visible. Il ralentissait le pas, regardait longuement de droite, de gauche, fouillait le petit bois en tous sens, comme quelqu'un qui voulait renouer connaissance avec un lieu cher depuis longtemps abandonné. Aïcha frémit. Ce bel arabe ne venait-elle pas de le reconnaître? N'était-ce pas Diden le Bey, le fils des riches propriétaires de Sidi Boumedine, dont on apercevait là-haut la grande maison blanche au milieu des peupliers? Diden n'avait pas reparu à Sidi Boumedine depuis le jour où ses parents l'avaient envoyé à la ville voisine terminer ses études dans une médersa plus élevée. 4 années s'étaient écoulées. Elle le revoyait pour la première fois. Il semblait avoir peu changé, autant qu'elle pouvait s'en rendre compte au milieu de l'ombre. Toujours beau, toujours fier, avec sa face brune aux traits seulement plus accentués, la moustache naissante au-dessus des lèvres sensuelles, les cheveux abondants en dehors de la chéchia, et ses yeux bleus, plus brillants, qui semblaient s'être pailletés d'or. Se souvenait-il encore d'elle? Lui gardait-il toujours son affection d'il y avait 4 ans? 4 ans. Le cœur d'un homme avait eu le temps de bien changer. N'avait-il pas épousé depuis le ressentiment des siens? Le cœur lui battait un grand coup. Le jeune homme émergeait de l'épaisseur des arbres. Comme il allait déboucher sur la route, elle ramena vivement son voile sur ses traits bouleversés, s'effaça contre le dôme de la fontaine, et haletante, elle demeura ainsi, s'efforçant de contenir son émotion. Diden avait eu le temps de la reconnaître. Il s'était arrêté. Un flot de sang lui monta au visage. Un instant, il parut hésiter. Il regarda autour de lui, comme pour s'assurer si le petit bois et la route étaient bien déserts. Il releva ses beaux burnous par-dessus l'épaule, déposa son paquet de livres et sa plume au pied d'un arbre, et avec précaution, tel un malfaiteur, il arriva, les bras tendus. « Aïcha, » prononça-t-il à voix basse, « sur toi le bonheur, sur toi et sur ce jour où je te revois. Que fais-tu ici, toute seule? Comment ont passé sur toi ces années de malédiction, loin de ma protection, loin des pierres qui t'ont vu naître? » Il cherchait les mains d'Aïcha pour les porter à ses lèvres, mais Aïcha avait reculé, comme à l'approche du feu. « Quoi, Diden? Tu oses me parler ?» Et elle fit le geste de se déchirer les joues. Il resta surpris, offensé de cet accueil inattendu, après avoir dévisagé son amie sans la comprendre. « Aïcha, c'est ainsi que tu me reçois après 4 années d'absence? Le temps d'éloignement et de misère t'ont fait oublier ceux qui ont partagé avec toi leur sel et leur cœur, qui ont versé pour toi le fiel avec les larmes? Qui t'a dit de te montrer aujourd'hui une shérifa, de te voiler à mes yeux et de fuir mon approche? » Aïcha avait baissé la tête. Elle ne pouvait soutenir plus longtemps ses yeux fascinateurs, même à travers son voile. Son sein s'oppressait. Sa gorge s'étranglait de paroles contenues. Bien autre chose que l'orgueil ou la pudibonderie lui liait la bouche et la faisait éviter les regards de cet homme. Diden la contemplait. il la retrouvait plus belle, plus désirable, façonnée par le temps et le malheur. Il chercha à l'attendrir. « Aïcha, tu m'en veux parce que je ne suis point venu te dire adieu avant de quitter la colline ?»« Je suis descendu par cette route un soir, entre mon père et mon oncle, comme un chevreau que l'on traîne au sacrifice. » Je suis entré à cette médersa, la cendre sur la tête. Aïcha, si tu avais pu te pencher sur mon cœur, tu aurais pleuré cette larme de chacun de tes yeux. J'aurais tellement aimé te revoir une dernière fois pour te dire encore, Aïcha, sois forte. Je remonterai un homme et tu seras ma femme. Mais je ne t'ai pas revue. 4 années, j'ai vécu solitaire, enfermé dans la maison de mon vieil oncle, comme un fils de la cabale. Maintenant, je rends grâce à Allah que tu es sous mon regard. On peut tout attendre de la vie, Aïcha. Mais parle, réponds-moi, qu'as-tu donc ? Aïcha souffrait 1000 tortures. Elle se débattait de toutes ses forces contre le passé, contre cet amour défendu que le bouillant Didon essayait de faire rejaillir des cendres. Tu seras ma femme. Le charme l'enveloppait, invincible, la ramenait à ces jours où le Sidi la berçait de cette phrase. Seulement, à quoi bon renouer cet amour chimérique ? Tout les séparait. Didon lui-même, comment osait-il ? Mais Didon supportait mal ce silence qu'il attribuait à du dédain. L'aristocrate se raidissait en face de la bédouine, jadis aimante et soumise, qui semblait aujourd'hui refuser l'offre de son cœur. À la fin, il s'emporta. « Allons, parle, fils sans chance, ou jure de détourner ma face de toi sur le premier chemin où je te rencontrerai, et de le faire passer à ma gauche. » Aïcha poussa un cri. « Et toi, Didon, tu oublies la malédiction qui nous sépare ? Tu oublies que tu as juré avec ta famille entière, sur le tombeau de Sidi Bou Médine, de haïr à jamais mon pauvre père et tous ceux qui appartiendraient à sa race. Mon cœur est comme un raisin plein par vous. » Les sanglots la secouèrent. Du repentir, de la pitié passa sur les traits du jeune homme. « Aïcha, protesta-t-il, c'est péché, continue-t-elle, péché de vouloir essuyer ce couteau encore sur ma faible gorge. Tu trouves que celui de mon père ne m'a pas assez blessé, assez sali ? Aïcha, cesse tes pleurs et apaise ton sang. Moi, je n'ai pas juré. » Elle le regarda, interdite à travers ses sanglots. « Tu dis ? Moi, je n'ai pas juré. » »« Tu dis que tu n'as pas juré à Sidi Bou Médine ? Sur ta tête chérie, sur notre enfance, sur celui qui distribua les religions, je suis libre comme la feuille. » Il s'assura de nouveau que pas une âme ne rôdait aux alentours. Il s'élança vers elle, l'attira contre sa poitrine. Soulagée de l'obsession, elle ne trouva plus la force de résister à l'appel de son fiancé.